Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous allons nous lancer maintenant dans un vrai sujet, celui des fausses nouvelles. Un vrai sujet parce que finalement, c'est quoi une fausse nouvelle? Au lieu de savoir si la nouvelle est vraie ou fausse, est-ce qu'on s'interroge vraiment sur les conséquences des fausses nouvelles? Il y a une personne qui s'intéresse à ces questions, c'est Mathieu Robert Sauvé. Il est journaliste, rédacteur au journal Forum de l'Université de Montréal. On peut le lire aussi dans l'actualité. Il est aussi auteur de plusieurs livres et il réalise une maîtrise à l'Université de Sherbrooke sur les fausses nouvelles. Bonjour Mathieu Robert Sauvé, il est au téléphone. Donc, bonjour Monsieur Sauvé. Oui, bonjour Valérie. Alors j'aimerais qu'on commence en fait pour savoir de quoi on parle, qu'on essaie de définir un petit peu ce que c'est le terme fausse nouvelle, les fake news, et je crois qu'elles ont fait officiellement leur apparition dans le dictionnaire Collins en 2017. En effet, moi j'écris effectivement, je travaille sur un projet de recherche à l'Université de Sherbrooke sur la question des fake news. Vous me pardonnerez auprès de vos auditeurs d'utiliser le terme anglais, mais pour moi il y a une distinction à faire entre fausses nouvelles, qui est un concept vieux comme le monde, hein, et depuis toujours on cherche à parfois tromper un peu la vérité pour servir des intérêts. Hein. Mm-hmm. Depuis la nuit des temps. Hein. C'est vrai que c'est pas récent, ça. Ben, vous savez, si les Grecs avaient su que dans le cheval de Troie, il y avait des soldats, ils n'auraient peut-être pas accepté ce cadeau-là. Donc, ouais. Fake news, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les fausses nouvelles, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les fake news. Enfin, j'utilise des guillemets ici, parce que ce serait né, là, selon les experts, la question là, serait née vraiment durant l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis avec la prise du pouvoir de Donald Trump durant cette campagne électorale. Donc, il y a eu vraiment une profusion de mensonges, en fait, qui ont circulé un peu partout dans la planète et particulièrement aux États-Unis, allant jusqu'à tromper les résultats électoraux. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en considération. Donc, vous me posez la question, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? J'ai plusieurs définitions pour vous, mais celle qui a été un petit peu, qui a fait école, c'est celle du dictionnaire Collins. Donc, ouais. Je vous la traduis, mais ce sera facile de trouver la source, là. Donc, mot de l'année en 2017, c'est une information fausse, souvent sensationnelle, diffusée sous couvert de reportage. Mm-hmm. Donc ça, c'est la définition du Collins. Sous couvert de reportage. Oui, exactement. Mm-hmm. En fait, c'est très important de noter que selon cette définition-là, ça ressemble à un article journalistique. Donc, souvent, même la typographie, on a l'impression, en lisant ces nouvelles qui ne sont pas véridiques, ça vient d'une salle de presse. Ça fait partie de la tromperie. Oui, c'est ça. Ça fait. Ouais. Vous ouvrez votre journal papier, vous lisez des nouvelles. Ce qu'on ne sait pas, c'est, vous êtes journaliste, vous le savez, mais ce que la majorité des gens ne savent pas, c'est que derrière l'impression d'une nouvelle, il y a toujours toute une série de démarches déontologiques, il y a des vérifications de faits, de sorte que dans un journal disons, traditionnel, avec une salle de presse, des journalistes professionnels, il y a quelque chose, il y a des filets de sécurité qui font en sorte que les fake news, les fausses nouvelles sont filtrées. Elles ne paraîtront pas. Il y a un travail éditorial, finalement. Exactement. Ouais, donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Hein? Mm. Il y a parfois des erreurs, le moins souvent possible pour les rédacteurs en chef, mais s'il arrive qu'il y a des fautes, à ce moment-là, on publie un rectificatif, on publie un erratum. Oui. Moi-même, comme journaliste, je me souviens que j'étais désespéré parce que, à un moment donné, j'avais fait une erreur dans un article pour l'actualité. Il a fallu qu'on publie un rectificatif. J'étais complètement gêné de ça, mais oui. Avec le recul, je me suis dit, bon, mais c'est ce qui fait de moi un journaliste, parce qu'un journaliste va admettre qu'une information avait un petit côté retard ou, je ne sais pas moi, on s'était trompé sur le titre d'une personne, on avait interverti des fonctions, etc. Souvent, ce sont des erreurs quand même un peu mineures. Et donc, le journaliste fait attention pour ne pas diffuser des fausses informations. Évidemment, si sa source est mal intentionnée, il peut arriver qu'il soit piégé. Ouais. De façon générale, le journalisme évite la publication de fake news. Ouais. Et donc là, il y a ce côté éditorial qui n'apparaît pas vraiment dans la fausse nouvelle, mais il y a aussi le côté fake aussi, parce que dans le fake, il y a aussi la volonté de tromper volontairement. Exactement. Qu'on ne ressent pas nécessairement dans le côté, dans la traduction fausse nouvelle. Voilà. Moi, j'utilise, à défaut de mieux, le terme fake news pour bien faire la distinction entre les informations fausses qui circulent depuis toujours et ce qui est né en 2016, qui est vraiment lié, selon les définitions, là, ça fait pas mal consensus, aux réseaux sociaux. Parce qu'une nouvelle qui est mensongère n'aura pas une longue vie sur les médias traditionnels. Radio-Canada, oui. TVA, le Journal de Montréal ne diffuseront pas cette nouvelle-là parce qu'on les voit venir. Hein. On a un petit peu un sixième sens, les journalistes, et ça va s'arrêter très tôt. Ce qui n'est pas le cas dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, c'est presque l'inverse. Une nouvelle qui est fausse, souvent, a beaucoup plus d'impact qu'une nouvelle qui est vraie. Il y a des études là-dessus, très, très bien, très empiriques et très intéressantes, et ça s'explique simplement. C'est qu'en général, une fausse nouvelle, elle est sensationnelle, elle est surprenante. La première des fausses nouvelles, des fake news, c'est le pape François soutiendrait Donald Trump dans la présidence. Or, le pape François n'a jamais soutenu personne dans une campagne électorale. Mm-hmm. Et pourquoi soutiendrait-il Donald Trump? Donc, on partage sur Facebook et Twitter cette information-là en disant, t'as vu, qu'on soit d'accord ou pas, c'est surprenant. Donc, souvent, les fake news sont beaucoup plus diffusées que les vraies nouvelles. Mm-hmm. D'ailleurs, en fait, on dit médias sociaux, mais on ne devrait pas dire médias sociaux, mais réseaux, parce que le média social n'a pas de travail éditorial comme un média. Tout à fait, tout à fait. Les réseaux sociaux, ce sont des plateformes de diffusion, ce qui a certainement beaucoup aidé dans certains cas pour faire connaître des causes qui sont humanitaires et qui ont beaucoup de sens. Toutefois, pour la qualité de l'information, je crois que ça peut être très piégé. Donc, il faut faire attention. Mais pour la plupart des gens, les considérations déontologiques, est-ce que cette information est véridique, ça ne compte pas. Et même pour les diffuseurs, vous savez, Facebook et Twitter ont été un petit peu pointés du doigt pour leur responsabilité dans ces questions-là. Mais ils ont répondu, écoutez, nous, on ne veut pas se mêler de contenu. Les gens qui s'inscrivent à nos réseaux sont, s'ils veulent diffuser des informations, on n'ira pas vérifier si ces gens-là ont fait leur travail de vérification des sources. Donc là, ça pose toutes sortes de problèmes inédits auxquels il faut s'arrêter, hein, savez, parce que l'information, elle est capitale dans une société démocratique, une société complexe comme celle qu'on connaît de nos jours. Ici, on est mal informé, à mon avis, on est moins à même d'exercer notre droit, nos fonctions démocratiques. Oui. Alors, Mathieu Robert, vous faites une maîtrise sur les fausses nouvelles à l'Université de Sherbrooke, et je crois que vous avez proposé une définition plus complète de la fausse nouvelle ou de la fake news. Oui, pour moi, c'est une information qui, je vais essayer de retrouver tout en vous parlant la définition exacte que je propose, parce que vous savez, c'est important de savoir de quoi on parle. Alors, pour moi, donc, c'est une information. La fake news est une. Moi, je propose d'ailleurs un néologisme, donc infos, I-N-F-A-U-S-S-E, qui définirait en français, donc le terme qui serait un peu l'équivalent français du terme fake news. Donc, c'est une information inexacte, insaisissable, diffusée sans contrôle journalistique à un large public par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Elle a pour but d'amuser ou de tromper le public à des fins mercantiles ou idéologiques. Bon, la fin de la citation. Donc, vous savez, j'ai mis un peu là-dedans beaucoup de choses parce qu'il y a des définitions qui sont très très courtes, laconiques. Il y en a d'autres qui sont extrêmement détaillées. J'inclus le pastiche là-dedans parce que, vous savez, il y a des choses qui sont lancées un peu en blague et qui deviennent, pour beaucoup de gens, la réalité. Ils ne voient pas l'ironie derrière ces nouvelles. Alors, donc, on... Ouais. On dit souvent, vous l'avez dit vous-même, les fake news sont un petit peu apparues dans le paysage médiatique et des réseaux sociaux avec l'élection de Trump, mais on n'en est pas non plus exempt au Québec et je pense que nos propres politiciens en ont fait usage quelquefois. Vous avez cité dans un article dernièrement le cas de Carlos Leitao, par exemple, à propos du réseau Express Métropolitain. Oui, en fait, comme effectivement je l'explique, c'est un concept utilisé mais non défini. Donc, lorsque le ministre de l'ancien gouvernement, Carlos Leitao, a voulu s'exprimer sur son projet de réseau express métropolitain, il a vu qu'il était mal compris par les opposants, les adversaires à ce projet, si vous voulez, et a dit il y a beaucoup de fake news qui circulent au Québec à propos de ce projet-là. Et donc, ça fait réagir des éditorialistes qui ont dit non, il n'y a pas de fake news au Québec. Et puis, à d'autres circonstances, il y a Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins, qui avait dit aussi qui avait accusé les opposants aux hausses de salaire des médecins, de fake news. Donc oui, on utilise le mot fake news souvent un peu pour déstabiliser l'adversaire, le critiquer. Est-ce qu'il y a des fake news au Québec? C'est sûr que c'est une question qui se pose. Moi, j'ai voulu vérifier ça dans le cadre d'une recherche empirique et ça m'a mené à faire cette étude sur la perception des gens de métier sur les fake news. Donc, justement, comment les journalistes perçoivent ces infos, comme vous les appelez? Oui, alors les journalistes... D'abord, se sentent assez concernés par le problème, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, mais ils se sentent peu engagés parce que évidemment un journaliste met en pratique ce qu'il a appris dans sa formation, c'est-à-dire de publier des nouvelles qui sont dignes de foi, et donc ça ne s'applique pas dans sa profession. Est-ce qu'il en a vu passer? Est-ce qu'il en a lui-même diffusé? Beaucoup de gens m'ont répondu oui, par erreur. J'ai pu mettre sur Facebook, sur Twitter, mon compte personnel, des informations qui n'étaient pas exactes. Je les ai récupérées, je les ai enlevées aussitôt que j'ai vu que la source n'était pas fiable. Un des problèmes assez récurrents dans les salles de presse, c'est qu'on annonce la mort de personnalités publiques assez régulièrement. Alors, il faut toujours faire bien attention, même parfois quand ça vient d'agences très fiables, on peut être induit en erreur. L'ancienne présidente de l'Angleterre, enfin, la première ministre de l'Angleterre, Margaret Thatcher, elle a dû mourir 5 ou 6 fois avant de mourir pour vrai. Puis encore plus récemment, on a annoncé la mort du cinéaste Constantin Costa-Gavras, et lui-même a dû faire connaître son opposition à cette nouvelle-là en disant non, je suis bel et bien vivant. Bref, il y a beaucoup de pièges, mais assez peu de ces nouvelles-là se rendent donc dans les médias traditionnels. On parle des grands médias qu'on connaît tous, là, Radio-Canada, Le Soleil à Québec, TVA, etc., le Journal à Québec. Ce sont des médias sur lesquels on peut se fier de façon tout à fait générale. Cela dit, le Québec héberge tout de même des grands producteurs de fake news. Hein. Il y a des jeunes qui ont créé des entreprises ici qui produisent des fake news. Ce sont les mêmes qui ont créé il y a quelques années un pastiche du Journal de Montréal, donc qui s'appelle lui-même le Journal de Montréal, M-O-U-R-R-E-R, et donc qui est actuellement en cours de Le Québécois les poursuit pour avoir utilisé frauduleusement un nom qui est très proche du Journal de Montréal. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait une poursuite comme ça, ils se sont lancés dans une autre entreprise. Donc, ils ont créé des fausses nouvelles, des fake news complètement originales, en fait, et qui ont circulé énormément dans les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu curieux parce que pour l'instant, le Québec est un peu à l'abri de la diffusion des fausses nouvelles, des fake news dans la population. Mais il n'empêche pas. Il en est une source. Oui, ce qui n'empêche pas les gens de participer à cette production-là, qui est quand même éthiquement très discutable. regrettable, hein, sinon déplorable. Ouais, et pour en revenir à la perception des journalistes par rapport aux fausses nouvelles, est-ce qu'ils ont l'impression que leur travail est discrédité? En fait, les journalistes sont un peu dans une bulle parce que eux sont très conscients de l'importance de vérifier des sources. Et quand on leur demande quelles sont les solutions qu'il faut mettre en pratique pour éviter que des fake news ou des infos soient diffusées dans la population, ils disent vérifier les sources. Un journaliste va toujours faire ça avant même de commencer sa recherche. Si la faute, si la source d'une information n'est pas fiable, il n'y aura pas de il n'y aura pas de il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas de reportage. Et c'est ce que ne font pas la majorité des gens. Donc, quand on diffuse une nouvelle, les journalistes disent ben, faites attention aux sources. Regardez un petit peu d'où ça vient. Et si la source n'est pas crédible, puis des fois, il faut aller au-delà juste de l'impression de sérieux, parce qu'il y a des des sources qui ont l'air d'être tout à fait irréprochables, mais au fond, ce n'est qu'une façade. D'ailleurs, eux-mêmes, les producteurs de fausses nouvelles, je pourrais vous retrouver les noms si vous voulez, mais enfin, ces deux jeunes, ils ont créé leur site web, a l'air vraiment, on dirait une salle de presse, un peu du devoir. Mm-hmm. Ça a l'air tout à fait sérieux. Et leur média a un nom qui a l'air très officiel. Mais ce ne sont que des nouvelles inventées, ce sont des créations complètement fantaisistes, c'est de la fiction. Ils ont durant la campagne électorale américaine, par exemple, ils ont inventé une histoire concernant Hillary Clinton qui aurait eu une relation homosexuelle avec Yoko Ono, la femme de John Lennon. Alors, vous savez, ici, c'est quelque chose de complètement farfelu. Oui, mais c'est tellement farfelu, c'est ça qui l'a fait circuler. Oui. Alors, les gens se partagent cette information, ils ont vu ça, et donc, il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Puis même au Québec, ils ont à un moment donné, lancé une nouvelle concernant Anne-Marie Dussault, la journaliste, comme quoi elle formait un couple avec l'ancien ministre de la Santé, qui est en barrette. Ouais, et les gens croyaient vraiment, dur comme fer, que c'était exact, alors qu'au fond, c'était purement inventé. Et ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça aurait été impossible de diffuser une telle rumeur sans fondement parce que les réseaux sociaux n'existaient pas et ça n'aurait jamais percé dans l'esprit critique des journalistes. Donc, c'est très important de rappeler que les réseaux sociaux sont des maillons essentiels à la diffusion des fake news. Ben justement, si c'est des maillons essentiels, est-ce qu'il y a quelque chose à faire du côté des maillons des réseaux sociaux pour réglementer un petit peu la façon dont réglementer est peut-être un mot un peu fort, mais pour gérer un peu mieux la façon dont les fausses nouvelles se répandent sur les réseaux sociaux? Ben alors là, Valérie, ça c'est la question centrale. Et vous savez que la France a créé une loi contre les infos, donc qui a été adopté par l'Assemblée nationale en juillet dernier. Donc, la France considère que la loi est la réponse. On va sanctionner les auteurs de fake news durant les campagnes électorales. Les autres, ils ont décidé de circonscrire la loi aux campagnes électorales et préélectorales, donc 3 mois avant l'élection. Donc, il y aura des juges qui vont se pencher sur des cas et lorsqu'il y aura des coupables, ils seront punis, ils auront des amendes extrêmement sévères à payer pour avoir diffusé des fausses nouvelles. Donc il va falloir faire attention durant les prochaines campagnes électorales en France. Est-ce que cette solution est souhaitable au Canada? Je vous dirais qu'il y a presque l'unanimité contre dans la communauté journalistique. Moi, j'ai mené un sondage donc à l'intérieur de la communauté journalistique professionnelle, donc par le biais de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'Association des journalistes indépendants du Québec, ainsi que la Fédération nationale des communications, et donc à peu près tout le monde est contre. Pourquoi? On considère que ça contrevient à un droit qui est encore plus fondamental que celui sur la liberté de la presse, c'est sur la liberté d'expression. Donc, on ne veut pas que l'État vienne regarder derrière notre épaule lorsqu'on partage des informations sur Facebook, sur Twitter. Donc, ce que ça laisse entendre, c'est on souhaite que les réseaux sociaux s'auto-réglementent, travaillent sur la question de l'éthique, si vous voulez, commerciale, en disant, bon, si on a des mauvais usagers, on va les exclure, on va les punir. Entre nous, c'est un peu naïf de penser à ce genre d'autoréglementation. C'est-à-dire que ça dépend du point de vue, parce que l'éthique commerciale, elle est quand même importante. Les gens ne veulent pas avoir une mauvaise image corporative. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Facebook a annoncé encore cette semaine un gros investissement dans ce secteur-là, là, on veut carrément engager des journalistes. Ah oui? J'ai vu ça dans le Devoir, 300 millions investis là, aux États-Unis pour créer un genre d'équipe de journalistes. C'est rassurant de voir ça, mais évidemment, c'est rassurant pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens qui vont rester sceptiques. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'entreprise pour s'auto-réglementer? Tant qu'il y a de l'argent à faire avec quelque chose, évidemment, ça reste un peu suspect. Il reste que les réseaux sociaux ont vu leur image se ternir un peu avec la question de la divulgation des informations confidentielles, privées, à des firmes là, d'enquête et de sondage. Et donc, ça peut être un peu délicat pour les réseaux sociaux. On les a vus quand même faire amende honorable et dire qu'ils vont essayer de s'auto-réglementer. Mais je suis un peu comme vous, je suis un peu sceptique par rapport à... M'a dit Robert, on va devoir se laisser là-dessus. Pour conclure, je propose qu'on dise peut-être que le rôle peut-être primordial au-delà de celui des médias sociaux, c'est peut-être le citoyen qui doit faire attention à ce qu'il lit puis à la façon dont il les propage après. Oui, parce que là, on a parlé... Et là, vraiment, pour conclure, Monsieur Robert... Oui, on pourra en reparler si vous voulez, Marie-Valérie, mais ça m'a fait plaisir de résumer un peu mes idées là-dessus. Oui, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes Mathieu Robert Sauvé, journaliste, auteur, et que vous êtes donc en train de terminer une maîtrise sur les fausses nouvelles à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci à vous.